l'échelle à la caisse centrale, merci. Ça me donne envie de vomir toute cette bouffe, ces guirlandes, ces boules. Y a trop de bouquets, de bougeoirs, de bouquins. Et puis, ces boulets à la caisse. Bonjour. Sans compter ces boutiques de parfums. J'aime pas Noël. J'aime pas Noël. J'aime pas Noël. Et puis je suis nul au Mikado, les mômes, leurs Lego, les blagues de Toto, les repas de famille et tonton Henri qui a toujours rien compris, qui croit que la musique se résume à Johnny et qu'un gars au chômage il a choisi. Chrétienté de bateau, c'est débauche de films et chansons à la con. Vive le vent du divin enfant, la bonne conscience du crétin serait d'enfermer Tino Rossi dans un sac à sapin. J'aime pas Noël. J'aime pas Noël. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas Noël. Pernod, les caribous du Poitou avec ses crèches en camembert et les centons de Saint-Nectaire. Allez, lâche-toi un peu, Jean-Pierre, c'est Noël. Le vrai cadeau pour la France entière serait de te voir en jarretière. On serait tous la vengeur à te cravacher derrière. De toute façon, c'est foutu. Tu captes rien dans l'actuel et fais-nous rire. Au moins, ça m'empêcherait de dire. J'aime pas Noël. J'aime pas Noël. J'aime pas Noël. J'aime pas Noël. À cause d'un barbu monté de là-haut, on tape le racket de David et Bernadette. J'ai juste envie de vomir sa charité Chanel et de lui lancer. Tiens mémé, un chèque cadeau valable au sac clouté. J'aime pas Noël. On n'irait pas tous gerber nos pièces jaunes chez Drucker. Y'en a ras le cul qu'il fout dans l'air tous nos dimanches avec sa bien-pensance. Maintenant Michel, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ce n'est pas vrai. Le monde n'est pas Walt Disney. Ta gueule de Jean Drial et tes cirages de pompe, on n'en peut plus. Tes suçages de pompe, on n'en peut plus. Casse-toi Michel. Casse-toi Michel. Casse-toi Michel. J'aime pas Noël, j'aime pas Noël, j'aime pas Noël. J'aime pas Noël. J'aime pas Noël, j'aime pas Noël, j'aime pas Noël. J'aime pas Noël. Ils ont tous l'air désolés, y'a tant de misère, tant de pauvreté. Bah oui, t'es désolé, je suis désolé, le monde est foutrement désolé. Les uns s'en mettent plein le cornet, les autres dorment sur le pavé. J'aime pas Noël, le curé, ses psaumes et l'espoir d'un royaume. J'aime pas Noël, les bisous, babes, mamie et ton prénom sur un grain de riz. J'aime pas Noël.